إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله كثير من الناس يظن أن الفلاح والسعادة في الحصول على حظوظ الدنيا العاجلة من وفرة المال وحصول الجاه والتمتع بالملذات وصنف آخر يرى أن السعادة والفلاح هي في السبق في مجال الصناعة والاختراع والترفع على الآخرين وبناء على هذه النظرية صرفوا على تلك الأشياء التي هي في نظرهم مقومات السعادة والفلاح فهي شغلهم الشاغل وهمهم الذي ملك عليهم كل تفكيرهم وهي موضوع أحاديثهم وهي مجال تنافسهم وأيم الله لقد ضلوا وما كانوا مهتدين وقد شقي في مجال الصناعة والاختراع الأمم الحاضرة بحيث أصبحت كل دولة تهدد الأخرى بمخترعاتها ومدمراتها فصارت تسابقهم في وسائل الدمار لا في وسائل الاستقرار وصار الجميع مهددين باندلاع حرب طاحنة تأتي على الأخضر واليابس وهكذا يا عباد الله إذا لم يكن الإيمان هو الموجه وإذا لم تكن العقيدة الصحيحة هي الأساس فسدت الدنيا وانهار البنيان وأصبحت الأعمال كلها لا فائدة منها لا عاجلا ولا آجلا قال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه وقال تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد وقال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ويقول تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا وقد سمى الله ما يعيشه الكفار في هذه الدنيا بما فيه من الأموال والجاه والسلطان والقوة والصناعات والاختراعات سمى ذلك كله متاعا قليلا مؤقتا زائلا تعقبه النار والخسار قال تعالى ولا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. بل لقد حكم الله على الكفار بما فيهم ملوكهم ورؤساؤهم وعلماؤهم ومفكروهم، حكم عليهم كلهم بأنهم شر الدواب، شر الدواب وشر البرية. يقول تعالى: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. وقال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. عباد الله، يعجب كثير من الناس بزهرة الدنيا ومتاعها فيتعلق بها وينسى الآخرة. قال تعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. وقال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فالكفار وبعض المسلمين الذين ضعف إيمانهم يغترون اليوم إذا نظروا إلى ما بأيدي الكفار من زهرة الدنيا وما توصلوا إليه من مخترعات، فيذهب ذلك بهم إلى الإعجاب بالكفار وتعظيمهم في نفوسهم. وإذا ما أصاب المسلمين من ضعف وتأخر في مجال الصناعة ظنوا أن هذا بسبب الإسلام، فهان الإسلام والمسلمون في نفوسهم، ولم يعلموا أن تأخر المسلمين لا ينسب إلى الإسلام، وإنما ينسب إلى تسير المسلمين وتكاسلهم وعدم عملهم بمقتضى الإسلام الذي يحث على الأخذ بالأسباب واكتساب القوة. فالإسلام دين القوة والعزة، لكنه يحتاج إلى حملة. عباد الله، لقد تحقق إفلاس الكافرين وخسارتهم في الدنيا والآخرة، لأنهم يفقدون مقومات الفلاح والسعادة التي من أبرزها الإيمان بالله واليوم الآخر. فلقد حكم الله بالفلاح للمؤمنين، قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ومن أسباب الفلاح عباد الله التوبة إلى الله من الذنوب والإيمان بالله والعمل الصالح. يقول تعالى: فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. ومن أسباب الفلاح ملازمة ذكر الله تعالى، قال تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ومن أسباب الفلاح تحرية النفس بالصفات الحميدة وإبعادها عن الصفات الذميمة، قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ومن أسباب الفلاح عباد الله إنفاق المال في طاعة الله والابتعاد عن الشح. يقول تعالى: وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. عباد الله، سيأتي على الناس يوم يظهر فيه المفلح من الخاسر، ذلكم هو يوم وزن الأعمال. يقول تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه، فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. إن بإمكان الإنسان اليوم أن يستعد لهذا الوزن ويسبق في أعماله ويصلح ما فسد منها ويكثر من الحسنات لتثقل موازينه يوم القيامة، وبإمكانه أن يقدم لهذا الميزان ما يثقله ما دام على قيد الحياة، وما دام يذكر هذا الميزان ويتذكره، فإن نسيه فليس بمنسي، وإن غفل فليس بمغفول عنه، وكما تدين تدان، وإنما الأعمال بالخواتيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Serviteurs d'Allah, préservez-vous d'Allah et préservez-vous de son châtiment au jour de la résurrection. Et sachez que beaucoup de gens aujourd'hui croient que le succès et la réussite, eh bien que ces choses-là sont uniquement dans le fait de posséder le plus de biens et de richesses dans ce bas monde, ou de jouir de toutes les plaisirs, ou bien de posséder toutes les nouvelles dernières technologies et l'avancement technique, et de s'élever au-dessus des autres. Et ils pensent que, en s'occupant de ces choses-là, et en mettant ça comme étant la priorité, ils vont obtenir le bonheur, le succès et la réussite. Et c'est le discours qu'ils ont et qu'ils adoptent, et c'est de ce qu'ils parlent jour et nuit, sans arrêt, en pensant que c'est ça la réussite, en pensant que c'est ça le succès. Et il y a d'autres parmi les musulmans, parmi eux, il y en a aussi qui s'imaginent que le succès dans la dunya, c'est le poste qu'ils ont obtenu, ou le diplôme qu'ils ont acquis, et toutes les réussites de la dunya, et d'avoir un bon travail, d'avoir une belle maison, d'avoir une belle voiture, même si c'est avec le riba, c'est pas grave. Et tu vas voir certains musulmans qui vont voir d'autres musulmans, et lorsque ces musulmans-là, ils ont moins d'argent, ou ils ont pas beaucoup d'argent, ou ils ont pas de richesse, ou de grandes maisons, ou de belles voitures, ils ont dit, mais toi t'as pas réussi ta vie. Toi t'as pas de succès. Toi t'as échoué ta vie. Et quand ils voient quelqu'un, même s'il a pas d'iman, même s'il a pas de foi, même s'il ne va pas à la mosquée, même si ses enfants sont perdus, il le voit avec la grosse maison, la belle voiture, il fait des vacances dans les îles, il fait la belle vie comme on dit, et il dit ça, c'est le succès. Lui, il a réussi sa vie. Alors que ça, en réalité, ça signifie que la balance que les gens utilisent pour juger qui a la réussite et qui a réussi sa vie, elle est inversée. Elle est corrompue, cette balance. Ils ont mal jugé parce qu'ils ont mal compris la réalité de la vie, parce qu'ils ont mal compris la réalité de la foi, et ils ont mal compris comment fonctionne le jugement au jour de la résurrection. Et que c'est pas la quantité de tes diplômes, ou la quantité de ta richesse, ou des biens que tu as accumulés, ou les technologies que tu as développées, qui va faire que tu vas être réussi, que tu as réussi au jour de la résurrection, ou que tu as le succès au jour de la résurrection. Et malheureusement, on voit que ceux parmi les pays aujourd'hui qui sont des pays soi-disant développés, des pays soi-disant civilisés, ceux qui sont le premier monde par opposition au tiers monde, eh bien on voit qu'avec leur technologie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Développer des armes de destruction massive avec lesquelles ils peuvent détruire en une seconde une ville au complet, même un continent au complet. Et donc à quoi ça sert, toute cette technologie et tous ces avancements, de dépenser des billions de dollars pour des choses inutiles alors qu'il y a des populations qui meurent de faim? Est-ce que c'est ça que Allah Azza wa Jal nous demande? Est-ce que c'est ça que Allah nous a demandé? Est-ce que c'est pour ça qu'on a été créé? Et donc sachez que tout ça en réalité, c'est une fausse conception. Si quelqu'un n'a pas la bonne croyance, si quelqu'un n'a pas les bonnes actions, tout cela n'aura aucune valeur et aucune importance au jour de la résurrection. Et c'est pourquoi Allah Azza wa Jal, il a comparé les œuvres des koufars, des mécréens, à un mirage. Vous savez, lorsqu'on va dans un endroit comme un désert, et on voit à l'horizon, comme une impression qu'il y a de l'eau, donc on avance et on est assoiffé. Et on a soif, et on meurt de soif. Et on est certain qu'il y a de l'eau à l'horizon, parce qu'on voit cette lueur à l'horizon qui bouge sur le sol. On pense que c'est quelque chose qu'on va pouvoir boire. Et plus on avance, plus l'eau s'éloigne. Et lorsqu'on arrive là où on pensait que l'eau était, il y avait rien. Eh bien, c'est à ça que Allah Azza wa Jal a comparé les œuvres des koufars. Leurs œuvres, c'est comme un mirage. أعمالهم كسراب. السراب en arabe ça veut dire le mirage. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas profiter de rien de ce qu'ils ont acquis dans ce bas monde. Parce qu'ils n'ont pas eu la foi en Allah. Parce qu'ils n'ont pas cru au tawhid. Et parce qu'ils n'ont pas fait les œuvres pour Allah. Ou parce qu'ils ont fait du shirk avec Allah en adorant d'autres que lui. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jal, il compare les œuvres des koufars à de la poussière fortement frappée par un vent dans un jour de tempête. C'est-à-dire qu'ils peuvent rien profiter de ces œuvres-là. Tout ce qu'ils ont fait, même si c'était des bonnes actions, ce jour-là devient de la poussière frappée par le vent. Et donc, quand ils arrivent devant Allah, ils disent « Mais j'ai fait plein de bonnes choses !» Et tout ce qu'ils ont fait comme bonne chose disparaît devant leurs yeux. Pourquoi? Parce que c'était pas pour Allah. C'était pour les idoles qu'ils adoraient. C'était pour le shirk qu'ils faisaient. C'était pour la gloire. C'était pour se faire voir. Mais pas pour Allah. Et donc, par conséquent, ils ne gardent rien de ce qu'ils ont acquis. Et donc, ça, c'est les plus grands perdants dans ce bas monde. Et Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran ce qui signifie: voulez-vous qu'on vous informe de ceux qui sont les plus grands perdants en œuvre? Ce sont ceux qui ont gaspillé leurs efforts dans cette vie d'ici-bas, alors qu'ils s'imaginaient être en train de faire une bonne chose. Et ce sont ceux qui ont renié les signes de leur Seigneur ainsi que sa rencontre. Alors leurs œuvres ont été rendues vaines, et on ne leur donnera aucun poids au jour de la résurrection, pour rien de ce qu'ils ont fait. Donc tout ce que les koufars peuvent posséder aujourd'hui comme bien, comme statut, comme puissance, comme force, comme technique, comme technologie, comme avancement, tout cela, ce n'est qu'une jouissance temporaire et éphémère. Comme Allah Azza wa Jal le dit dans le Coran, il dit aux croyants, ne vous laissez pas éblouir ou tromper par ce que les koufars font dans le pays. C'est une jouissance petite, très peu, et leur destination c'est l'enfer pour l'éternité. Et quelle mauvaise demeure, quel mauvais lit vers lequel ils se dirigent. Peu importe qui ils sont, peu importe leur degré et leur niveau, peu importe leur statut ou leur importance, leur rétribution et leur lieu de rencontre, c'est le même. Et Allah Azza wa Jal les a traités de la pire des créatures. Il dit, ceux-là sont les pires créatures. Et ce sont les pires bêtes. C'est pas à cause de quelque chose de biologique ou de génétique. C'est à cause de leur coffre. C'est à cause de leur shirk. C'est à cause de leur absence de foi et de rejet de la vérité. Et donc, ils ne veulent pas accepter ce qui vient d'Allah Azza wa Jal et ce que les messagers ont enseigné. Et c'est pour ça qu'ils se moquaient des messagers. Et jusqu'à aujourd'hui, ils se moquent des messagers d'Allah. Et ils se moquent du livre d'Allah. Et ils se moquent de ceux qui veulent suivre la révélation d'Allah. Et donc, c'est pour cette raison que Allah Azza wa Jal va leur donner la rétribution qu'ils méritent. Allah Azza wa Jal, il dit, on a enjolivé pour ceux qui ont mécru la vie d'ici-bas. Et donc, il se moque de ceux qui ont cru. Il se moque de ceux qui ont cru. Mais ceux qui ont la piété et qui se préservent d'Allah seront au-dessus d'eux au jour de la résurrection. Et ce jour-là, ils vont savoir. Ils vont savoir qui était sur la vérité et qui ne l'était pas. Malheureusement, certains musulmans dont la foi est faible aujourd'hui, ils se laissent impressionner et éblouir par ces futilités de la dunya. Et ils ont le cœur rempli d'amour ils sont impressionnés par ce que les koufars ont. Et ils voient ce que les musulmans subissent comme humiliation et comme faiblesse dans le monde. Et qu'ils ne sont pas développés aussi bien sur le plan technologique. Alors, à cause de ça, ils dénigrent l'islam. Ils dénigrent les musulmans. Et tu vois certains musulmans, quand ils marchent dans la rue, s'ils voient un autre musulman, ils veulent même pas que le musulman le reconnaisse en tant que musulman. Et si tu lui dis salam alaykoum, il te regarde comme si, pourquoi tu me regardes? Pourquoi tu me dis salam? Pourquoi? Parce qu'il a honte d'être musulman. Et il a honte de l'islam. Parce qu'il pense que le retard que les musulmans ont dans le sens technologique, dans les développements et toutes ces choses-là de la dunya, que ça c'est à cause de l'islam. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre eux qui sont devenus maintenant des athées et qui ont quitté la foi et qui sont rentrés dans le coffre, eh bien qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent il faut que les musulmans évoluent. Il faut qu'ils délaissent le Coran et qu'ils délaissent la Sunna pour évoluer, pour arriver au même niveau que les kuffars. Nasallallahu al-afiyah. Alors que les ulamas de l'islam nous ont expliqué que si les musulmans sont dans l'état dans lequel ils sont, ce n'est pas à cause de l'islam, bien au contraire. Mais c'est plutôt parce qu'ils ont délaissé plusieurs des enseignements de l'islam à cause de leur paresse et à cause du fait qu'ils ont agi souvent de façon contraire à ce que l'islam nous enseigne. Puisque l'islam nous enseigne de faire les causes nécessaires pour chercher et obtenir la force et les moyens technologiques et les avancements. Et il y a une époque où les musulmans, c'est eux qui dirigeaient et qui gouvernaient le monde entier. Mais lorsqu'ils se sont assis sur la dunya et qu'ils ont été satisfaits de ce qu'ils avaient, Allah Azza wa Jal les a frappés de cette humiliation dans laquelle nous sommes. Et c'est ainsi que, yani, on est puni à cause de notre faiblesse, à cause de ce que nos mains ont acquise. Allah Azza wa Jal, il dit, فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. C'est à cause de ce que vos mains ont acquise. Alors que le vrai succès, Allah Azza wa Jal, il nous dit, qu'est-ce que c'est dans le Coran? Il dit, les croyants ont certes eu la réussite. Ce sont eux qui réussissent. Ce sont ceux qui sont humbles dans leur salat. Ce sont ceux qui préservent leur salawat. Et c'est eux qui sont les héritiers qui vont hériter du paradis, du jardin de Firdaus. Et ils vont y demeurer éternellement. Parmi les causes de la réussite et de la vraie réussite, il y a la repentance lorsqu'on fait des péchés, de demander pardon à Allah et de faire les bonnes œuvres et d'avoir la foi en Allah. Et Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, ce qui signifie, celui qui a cru, celui qui s'est repenti et qui a cru et qui a fait les bonnes œuvres, alors celui-là sera parmi les gens qui ont le succès. Parmi les causes du succès également, il y a le fait de se rappeler d'Allah. Allah Azza wa Jal, il dit, et rappelez-vous d'Allah beaucoup pour que vous puissiez être parmi les gens qui ont le succès. Et parmi les causes du succès, il y a le fait d'adopter les qualités et les comportements et la noblesse de caractère et de s'éloigner des mauvaises caractéristiques et des défauts. Et Allah Azza wa Jal, il dit, celui qui a purifié son âme aura le succès. Tandis que celui qui la corrompt, eh bien, il va périr. Et parmi les causes du succès, il y a le fait de dépenser de nos biens dans la cause d'Allah et dans l'obéissance d'Allah, et de s'éloigner de l'avarice et de la cupidité. Et il dit, ce qui signifie, et dépenser hein, dans le du, dépenser dans le sentier d'Allah de vos biens, c'est mieux pour vous. Et celui qui a réussi à débarrasser son âme de l'avarice et de la cupidité, ce sont eux qui auront le succès. Et dans un autre verset, Allah Azza wa Jal, il mentionne le vrai succès au jour de la résurrection, lorsque les balances vont être établies et qu'on va mettre, Allah Azza wa Jal va faire poser des balances, et cette balance-là, c'est pas pour peser des fruits ou des légumes ou de l'or ou de l'argent, c'est pour peser tes actions, tes bonnes actions et tes mauvaises. Et Allah Azza wa Jal va les faire venir. Et quelqu'un se dit, aujourd'hui, il se pose la question, mais comment est-ce que quelqu'un peut peser des œuvres? Comment est-ce qu'on peut peser des actions qu'on a faites? Est-ce qu'on peut prendre des actions? Est-ce que c'est quelque chose de matériel ou de palpable? Allah Azza wa Jal va faire en sorte que ces œuvres, elles ont une masse. Elles seront palpables. On pourra les voir, on pourra les peser. Et elles vont apparaître. Et Allah va les mettre dans la balance, les bonnes actions et les mauvaises. Celui dont les bonnes actions sont plus lourdes, ceux-là sont ceux qui auront le succès. Et ceux dont les mauvaises actions seront plus lourdes, ce sont eux qui seront les perdants. Peu importe qu'est-ce qu'ils avaient comme richesse dans ce bas monde ou comme diplôme dans ce bas monde, ces choses-là ne vont pas compter au jour de la résurrection. Ton diplôme ne va pas t'aider dans la balance. Ta richesse ne va pas t'aider dans la balance. Ton statut, ton poste, le pouvoir que tu avais dans ce bas monde ne va pas t'aider dans ce jour-là. Et même que Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran qu'au jour de la résurrection, si quelqu'un pouvait, il aurait vendu, hein, ses enfants, ses parents, et s'il pouvait donner tout l'or qu'il y a sur la terre, il l'aurait donné à Allah en échange pour être épargné du châtiment d'Allah. Mais il ne peut pas, hein, négocier dans ces choses-là au jour de la résurrection, parce qu'il n'y a plus de négociation. Le temps des œuvres, c'était dans ce bas monde. À ce moment-là, il n'y en a plus, c'est fini. Le seul moyen de négocier au jour de la résurrection, c'est par ta foi et tes œuvres. Alors profitons du temps qu'on a encore dans ce bas monde, tant qu'on est en vie, pour se repentir, pour augmenter nos bonnes œuvres, pour s'écarter de nos péchés, pour corriger notre voie, pour que lorsqu'on arrive au jour de la résurrection, on soit parmi ceux qui ont le succès. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. وأذل الشرك والمشركين. ودمر أعداء الدين. وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم.